Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Profitez de l'été pour découvrir ou redécouvrir la cité ducale et les nombreux trésors de la métropole avec l'Office de tourisme de Nancy. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Nous allons découvrir le programme de ce week-end, mais aussi les différentes choses que propose l'Office de tourisme. Avant de parler de tout ça, peut-être vous présenter. Vous êtes responsable marketing produit. En quoi ça consiste ? Oui, qu'est-ce que c'est responsable marketing produit ? En fait, je suis en charge de tout développement de prestations touristiques. Alors, ça peut être des prestations directement adressées au public, comme les visites guidées que nous proposons toute l'année, des formules avantageuses comme les City Pass, par exemple. Mais ça peut être aussi un travail sur le développement de nouvelles thématiques, toujours dédiées au tourisme, bien sûr, comme le cyclotourisme, comme la route de la bière. Voilà, tout ce qui peut être développé pour attirer davantage de visiteurs. Alors, avec l'Office de tourisme sur Fadjet, on va découvrir un peu tout ce panel d'activités et d'offres proposées par l'Office de tourisme chaque semaine. Et aujourd'hui, donc, pour cette semaine, on va découvrir le City Découverte. Oui, alors le City Découverte, c'est bien sûr votre guide absolument indispensable pour cet été, je dirais même jusqu'à la fin de l'année. C'est un guide qui recense toutes les prestations, toutes les visites, que ce soit visite guidée, que ce soit visite en petit train, que ce soit des applications pour visiter en autonomie. Un petit guide bien utile qui recense toute l'offre touristique pour le territoire de la métropole du Grand Nancy, de maintenant, de tout l'été jusqu'à la fin de l'année. 175 visites incontournables et insolite, tout un programme. Oui, effectivement, un vaste programme. La plupart des visites sont assurées par les guides conférenciers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a été quelques mois confinés et donc avec une activité économique bien réduite pour ces personnes. Et donc, afin de soutenir aussi l'activité de nos guides conférenciers, nous avons vraiment voulu proposer un maximum de visites en espérant que bien sûr, les visiteurs soient au rendez-vous. Donc, plus de 75 dates, de manière aussi à pouvoir s'adapter à tous les publics, qu'on soit seul, en couple, en famille, plus ou moins jeunes, il y en a vraiment pour tout le monde. Où est-ce qu'on peut trouver ce guide ? Alors, ce guide est disponible en version papier à l'Office de tourisme, bien entendu. Il a été également inséré dans le magazine Spectacle juillet-août qui vient de sortir à 30 000 exemplaires. Donc, on peut le trouver dans tous les points de distribution du magazine Spectacle. Et bien sûr, sur notre site internet nancy-tourisme.fr, dans la rubrique des visites guidées, on peut retrouver le City Découverte et le télécharger pour l'avoir toujours sous la main et pouvoir ensuite réserver ses visites. Autre chose à dire peut-être sur le City Découverte ? Oui, un petit mot peut-être sur le City Pass qui est présenté dans ce guide, qui est un outil bien pratique, qui vient d'évoluer, qui est là encore plus adapté en fait aux différentes cibles, que l'on soit seul, à deux, en famille ou habitant de la métropole ayant répondant à certains critères sociaux comme les plus de 65 ans, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi ou les étudiants, donc avec vraiment des tarifs très avantageux puisque c'est à partir de 12 € pour ce public. Et ce City Pass offre plein de prestations gratuites, que ce soit une visite guidée, l'entrée dans les musées, mais également beaucoup de réductions chez nos partenaires, ça peut être des commerçants, des restaurants, mais aussi pour des prestations comme le petit train, la location de vélo, le transport en commun, etc. Donc, pour découvrir Nancy, City Pass est vraiment bien adapté. Maintenant qu'on sait qu'il va se passer plein de choses, on va s'intéresser à ce qui approche en termes de date avec ce week-end et ce grand week-end du 14 juillet. Oui, ce ne sont pas moins de 5 visites qui sont proposées sur ce week-end, avec 3 thématiques différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Nancy, donc c'est l'incontournable, la visite du centre historique qui comprend à la fois l'ensemble UNESCO avec bien sûr la place Stanislas, mais aussi toute la vieille ville, le palais des ducs de Lorraine, les beaux hôtels particuliers. Un classique, mais souvent on ne connaît pas forcément bien les richesses de sa ville, donc ce n'est pas réservé qu'aux touristes. Elle est proposée à la fois ce samedi, mais aussi le mardi 14 juillet. Beaucoup de sites sont fermés ce jour-là, donc si vous ne savez pas quoi faire, eh bien voilà une idée pour vous occuper. Pour les touristes, mais aussi pour les habitants, des visites autour de l'Art Nouveau, qui est bien sûr un patrimoine très important. C'est très disséminé dans la ville, donc on a différents circuits. Donc pour le vendredi, c'est l'Art Nouveau en centre-ville, avec les incontournables tels que l'Excelsior, tels que la Verrière du Crédit Lyonnais, mais aussi des façades devant lesquelles on passe certainement tous les jours sans forcément se rendre compte de leur beau décor. Donc voilà, tout ce patrimoine Art Nouveau en centre-ville. Et le dimanche 12 juillet, on part de l'Excelsior pour rejoindre la Villa Majorelle, dimanche après-midi, pour voir tous les beaux immeubles qui sont entre le quartier Gare Loire et le quartier de la Villa Majorelle. Et puis enfin, des visites thématiques pour ceux qui connaissent peut-être déjà les incontournables, avec notamment samedi 11 juillet, la visite patrimoine industriel. C'est une nouveauté. Nancy a un riche passé industriel et on souhaite vraiment valoriser ce patrimoine. Donc au départ de l'ancien site de la manufacture des tabacs, qui est aujourd'hui ce pôle culturel avec la médiathèque et le théâtre de la manufacture, on va jusqu'au canal, en passant par le cours Léopold, en passant par la porte de la Craf, donc jusqu'au canal pour évoquer quelques exemples de ce beau patrimoine industriel que nous avons annoncé. Toutes ces visites sont sur réservation ? Oui, réservation obligatoire absolument, soit à l'office du tourisme directement, soit en ligne sur notre site internet nancy-tourisme.fr. Et je précise bien sûr que le masque est obligatoire pour ces visites afin de garantir les meilleures conditions sanitaires. Du côté des tarifs ? Le tarif normal, c'est 10 euros, mais donc avec le City Pass, vous pouvez avoir une visite gratuite avec plein d'autres prestations. Donc sinon, c'est 10 euros pour les personnes qui n'ont pas le City Pass. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83 35 80 10. L'office de tourisme, c'est place Stanislas à Nancy.